La grâce. Qu'est-ce que la grâce? Pour certains, la grâce, ça peut être une gymnaste qui fait des pirouettes au sol avec précision, avec beauté et grâce. Pour d'autres, la grâce, c'est lorsque le président de la République annule les contraventions automobiles qu'on a eues pendant les semaines précédant son élection. Il est tellement heureux d'avoir gagné les élections que dans sa grâce, il annule les amendes. Il y a un pasteur et auteur américain qui a écrit un livre qui s'intitule « La grâce n'est pas une blonde aux yeux bleus ». Je regarde s'il y a des blondes aux yeux bleus. C'est vrai que souvent on pense à la beauté physique, à la légèreté. Mais la grâce, c'est un concept qui est présent dans toute la Bible. Et la grâce, c'est ce qui caractérise la relation de Dieu avec les hommes. La grâce, c'est un amour qui se manifeste sans que celui qui reçoit cet amour en soit digne. C'est un amour qu'on reçoit dont on n'est pas digne et qu'on ne peut jamais repayer. Il est dit que Jésus est venu dans l'évangile de Jean. Vous pouvez regarder avec moi dans Jean 1, chapitre 1 de Jean, page 103 dans la Bible à la colombe. Si vous avez besoin d'une Bible, il y en a peut-être encore, levez la main ou vous... Il est dit que, parlant de Jésus, verset 16 du chapitre 1, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi nous montre ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Et son but, c'est de nous montrer que seuls nous en sommes incapables. Est-ce que l'un d'entre nous a la prétention d'avoir toujours obéi aux 10 commandements sans faillir, sans avoir jamais cessé de le faire? Est-ce que nous avons toujours dit la vérité? Est-ce que nous n'avons jamais dit le moindre mensonge pour enjoliver la vérité? Il suffit d'une seule fois et nous n'avons pas respecté la loi. Mais Jésus est venu et il est la vérité. La vérité, ce n'est pas un concept philosophique, c'est une personne. Et il est venu avec la grâce. Sans la grâce, nous ne pouvons pas avoir de relation avec Dieu. Et ce qui est beau dans la Bible, c'est de voir l'harmonie, je priais, je crois, c'est de voir l'harmonie entre l'Ancien Testament et les révélations du Nouveau Testament. Souvent, on peut penser que la grâce a fait partie du Nouveau Testament et que dans l'Ancien Testament, il y a un Dieu sanguinaire qui exécute la loi et qui exécute ceux qui n'exécutent pas la loi. Mais c'est complètement faux. On va le voir avec un de mes passages favoris dans la Bible, un passage souvent méconnu. Et devant ce passage, je suis un peu intimidé. Je ne sais pas si c'est peut-être le cas pour un cuisinier qui aurait des ingrédients de toute première qualité. Il aurait reçu des langoustines qu'on aurait envoyées par avion d'Afrique du Sud à l'aéroport de Nice. Elles sont encore vivantes, elles bougent encore. Et on lui amène ses matières premières pour faire un repas. Il a reçu des légumes de l'arrière-pays, tout frais, plein de soleil. Et quelque part, ce cuisinier doit avoir peur de rater le plat qu'il va faire pour ses invités. Mon rôle, ce n'est pas d'inventer des vérités ou de vous dire des leçons de morale. Mon rôle, c'est de vous présenter un repas, prendre ce que Dieu a déposé dans sa parole et vous le servir sans mettre mes doigts dedans. Vous avez peut-être vu des fois des cuisiniers qui préparent un bon plat et puis le serveur qui est nouveau vous amène le plat, mais vous remarquez qu'en fait il avait son pouce dans la sauce. Et tout de suite ça gâche l'atmosphère. Et on va se tourner ensemble dans ce passage, dans notre étude de 2 Samuel. On arrive au passage de 2 Samuel 9 et on va lire cela ensemble. C'est page 320 dans la Bible à la colombe. Au tout début, donc dans la première partie du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pardon. 2 Samuel 9, je lis dans la version à la colombe. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur dans la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Je le suis, moi ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, « Mephibosheth. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père, Saül, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton seigneur ait du pain à manger. » Et Mephibosheth, fils de ton seigneur, mangera en permanence à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. David avait dit, Mephibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Un petit retour en arrière, vous vous souvenez qu'une grande amitié avait lié David et Jonathan, le fils du roi Saül. Le roi Saül qui avait persécuté David lorsqu'il avait réalisé qu'en fait, Dieu prévoyait de remplacer son règne, lui Saül, par le règne de David. Et nous avons vu pendant des années comment David, persécuté, a dû se cacher, user de stratagèmes. Finalement, il est arrivé dans sa vie à un point où il est le roi sur tout Israël. Il règne à Jérusalem après avoir régné 7 ans à Hébron. Il est à Jérusalem, il est au fait de sa gloire. Tous les adversaires ont été soumis. Il a un royaume en paix, un royaume prospère, un royaume riche, un royaume étendu géographiquement. Et on peut penser qu'il a un peu de loisir, qu'il a le temps de penser à ce que Dieu a fait dans sa vie. Et en pensant au passé, nul doute, il pense à Saül qu'il a poursuivi, qu'il a persécuté. Il pense sans doute aussi à son ami Jonathan. Jonathan qui avait accepté de prendre la seconde place derrière David parce qu'il savait que Dieu l'a appelé David à être roi sur Israël. Et ils avaient fait ensemble un serment. On va voir, c'était dans 1 Samuel 20, verset 15. C'est le moment où Jonathan informe David que Saül veut vraiment le tuer, il veut l'éliminer. Et donc ils prennent la décision de ne plus se voir et de mettre ainsi un terme à leur présence l'un envers l'autre, cette grande amitié qui les unissait. Et au verset 15... on voit Jonathan qui dit, verset 14, si je suis encore en vie, tu useras envers moi de la bienveillance de l'Éternel et je ne mourrai pas. Tu ne retrancheras jamais ta bienveillance envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de la surface du sol. Car Jonathan a conclu une alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire la vengeance des ennemis de David. Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Il y avait une pratique barbare à l'époque. Lorsqu'un roi d'une nouvelle dynastie se mettait accéder au pouvoir, la pratique habituelle, c'était d'exterminer la famille de l'ancienne dynastie, pour pas qu'il y ait des prétendants au trône de l'autre dynastie qui puissent, à la faveur de rébellions, de révoltes, contester le pouvoir du nouveau monarque. Et donc, la pratique, c'était donc de chercher tous les héritiers de l'ancien roi et de les mettre à mort. On raconte même que dans certains cas de cruauté particulière, on dépeçait les morts et on utilisait leur peau pour faire, comme du cuir, pour faire des fauteuils, des canapés. Et ainsi, les amis ou les sujets du nouveau roi venaient chez le roi et s'asseyaient. C'était pas de la vachette verte, c'était la peau du roi précédent ou de ses enfants. Et ça ralentissait beaucoup apparemment les ardeurs de révolte de ceux qui suivaient. C'était les pratiques de l'époque. Aujourd'hui, on voit qu'on est à l'époque de l'ouverture. Donc quand il y a un nouveau président, il peut rappeler quelques membres des précédents gouvernements aux grandes dames de ses supporters. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'ouverture. L'ouverture, c'était le canapé qu'on pouvait ouvrir avec la peau de l'autre. Et c'est pour ça que Jonathan fait jurer à David, au nom d'une alliance, que jamais il ne fera une telle chose avec ses descendants. Et parmi les descendants de Jonathan se trouvait justement ce jeune Mephibosheth, un nom difficile à prononcer, et pourtant une des plus belles histoires de grâce de l'Ancien Testament. Cet homme, on a mentionné son nom déjà dans l'étude de 2 Samuel. Dans 2 Samuel 4, 4, On a appris que après la mort de Saül et de ses fils sur le mont Gilboa, après la mort de ses fils, la panique s'était emparée de la famille de Jonathan, de Saül et de Jonathan. Et au point qu'il est dit, verset 4, « Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. » C'est un petit verset qu'on ne remarque pas trop, jusqu'à ce qu'on arrive à ce chapitre 9 et qui nous explique pourquoi cet homme était, comme le dit Tsiba, verset 3, perclus des pieds, il était infirme. On ne sait pas exactement le détail, si dans sa chute il avait eu un problème au niveau des vertèbres qui avait peut-être l'avait paralysé la moelle épinière, coupé la moelle épinière, et le résultat c'était qu'il était paralysé des pieds, il ne pouvait pas se déplacer. On sait que c'est difficile d'être autonome si on ne peut pas se déplacer. Parmi nous, il y en a peut-être qui vivent cette expérience en ce moment, toute relative par rapport à Méphibosheth, bien sûr. Mais quand on ne peut pas se déplacer, on dépend des autres, on dépend de leur générosité, ou de s'ils ne sont pas généreux, on souffre de leur égoïsme. Et à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait même pas de prothèses ou de choses qui vous permettaient de vous déplacer. Lorsque vous étiez infirme des pieds, tout ce que vous pouviez faire, c'était vous faire transporter dans un coin sur une route et passer le reste de votre vie à mendier en espérant inspirer la pitié des autres. Et c'est pour ça que Méphibosheth avait une mauvaise estime de lui-même. En fait, il voyait les choses avec réalisme lorsqu'il disait au verset 9, plutôt dans 2 Samuel 9, « Qui est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ?» Il se considérait comme un chien mort. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était mendier et solliciter l'aide des autres pour tout ce qui se passait dans sa vie. Et puis voilà que le roi David au calme, au fait de sa gloire, se demande est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un. J'avais fait une alliance, j'avais fait une promesse à Jonathan. Je devais user de bienveillance envers sa famille, envers ses descendants. Est-ce qu'il resterait quelqu'un? Et en fait, le fait qu'il ait eu du mal à localiser ce descendant de Jonathan, ça montre que Méphibosheth, ça faisait probablement près de 15 ans qu'il vivait caché avec la peur au ventre d'être un jour découvert par le roi ou ses troupes et de finir en canapé. Il avait décidé d'éviter David à tout prix. Il y a ce personnage un peu louche, quelqu'un qui restait des serviteurs du roi Saül et qui, nul doute, avait profité de la situation, le dénommé Tsiba. On voit plus loin dans le chapitre 9 qu'il avait accumulé les serviteurs lui-même. Il avait 15 fils et 20 serviteurs. Il avait un harem, sans doute, pour avoir autant d'enfants. Et Il se faisait servir alors que lui-même était un ancien serviteur. Il n'était pas soucieux, lui, de trouver quelqu'un d'autre qui aurait eu une légitimité par rapport au roi Saül. Il était très bien dans sa place. Et lorsque David demande s'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Saül, on a l'impression que quelqu'un se rappelle de lui et qu'on l'amène et que c'est à contre-cœur. Mais il dit, oui, il y a encore un fils de Jonathan. Et puis il ajoute, mais il est perclus des pieds. Autrement dit, il n'est pas digne d'être appelé par le roi à sa cour pour être aimé et servi, recevoir cette bienveillance que tu avais promis. C'est pas dit, mais on sent que c'est un peu l'intention de cette chose qui est rajoutée. Il y en a bien encore, mais il ne vaut pas le coup. Il est perclus des pieds, il est boiteux, il est infirme. Tout ce qu'il peut faire, c'est de mendier toute la journée et demander l'aide des autres pour qu'on le porte. Au verset 4, on remarque tout de suite que, juste avant une parenthèse, le mot qui est utilisé ici par bienveillance, le mot traduit par bienveillance, c'est un mot qu'on traduit aussi par gentillesse, mais qu'on traduit beaucoup mieux encore par le mot grâce. C'est une bonté qui n'est pas méritée. C'est exactement le concept de grâce. Et ce concept est précisé lorsque le roi dit « Est-ce qu'il n'y a personne de cette famille pour que j'use envers lui de la bienveillance, mais pas de n'importe quelle bienveillance, la bienveillance de Dieu. » Ce n'est pas la bienveillance des hommes. Et souvent, on confond la bienveillance des hommes avec celle de Dieu. La bienveillance de Dieu, encore une fois, c'est la grâce, c'est cet amour que l'autre ne mérite pas, mais qu'on décide de lui offrir, de lui donner avec abondance, sans attendre rien en retour de l'autre. Nous pouvons être bons, nous pouvons être gentils, mais c'est souvent avec un intérêt, ou parce qu'on a des atomes crochus avec l'autre personne, on pense que on est bien avec l'autre quand on est avec l'autre personne. L'autre personne va peut-être nous renvoyer une faveur. Mais la bienveillance de Dieu, elle est à sens unique. C'est la grâce que Jésus a manifestée en venant parmi nous. Et on voit quelques caractéristiques de cette bienveillance, de cette grâce. Lorsqu'il est dit, le roi lui dit, « Où est-il ?» Autrement dit, cette bienveillance, le roi ne va l'accorder de façon inconditionnelle. Il ne demande pas s'il est bien de sa personne. On vient de lui dire qu'il était paralysé, qu'il était infirme. Il ne dit pas, mais est-ce qu'il y en a un autre qui peut marcher, qui est présentable? Non, il les demande tout de suite. Où est-ce qu'il est? Il veut le trouver, il veut le bénir de cette bienveillance. Tsiba, je crois, à contre-cœur, lui donne l'adresse. Il est dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lodebar. Lodebar, c'est un nom très significatif. En hébreu, lo, c'est le négatif, ça veut dire non. Et de bar, c'est l'idée d'un pâturage. Autrement dit, il est dans un endroit où il n'y a même pas de pâturage. Il est dans le désert, dans un endroit aride, ingrat, qui ne porte pas de fruits. Et lorsqu'on a compris ce passage, on peut voir des moments où nous-mêmes, on a le sentiment de se trouver à l'eau de bar. Ce n'est pas l'eau de Cologne, hein, c'est l'eau de Bar, un seul mot. C'est un endroit où il est dur de subsister. C'est un endroit sans espoir. Il n'y aura pas de fruits qui en sortiront. Et souvent dans notre vie, on peut se trouver dans ces endroits spirituellement, émotionnellement, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Tout est dur, il fait chaud, il fait sec, on transpire, il y a de la poussière, il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a rien pour racheter l'endroit. Mais peu importe, aussitôt le roi David envoie chercher dans la maison de Makir, fils de Madiel, à Lodebar, ce jeune Mephibosheth. Il avait 5 ans à l'âge de son accident. Là, on va voir plus loin qu'il est, au verset 12, qu'il a déjà des enfants, un jeune fils nommé Mika. Donc on pense qu'il a entre 20 et 30 ans. Donc ça fait un moment qu'il se cache. Il écoutait sans doute son grand-père qui lui disait que David était un vaurien qu'il fallait exterminer, qui voulait détruire la dynastie. On a l'impression qu'il écoutait plus son grand-père, le roi Saül, que le fils de Saül, Jonathan, qui lui était un ami de David, le plus cher ami de David. Et il vivait dans la terreur d'entendre un jour frapper à sa porte et de voir des troupes du roi David. Et comme on le dit, la chose qu'il redoutait le plus lui arrive. Il entend des coups de poing à la porte, il ouvre et il voit les troupes du roi David. Et on le ramène devant le roi. Et on imagine que pendant ce voyage, il est complètement désespéré. Il se dit que le roi, le souverain, le tyran, va le détruire, va le transformer en canapé, qui va se retrouver chez Ikea. Mais dès qu'il arrive, David le rassure. Verset 7, David lui dit: « Sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. » C'est pas parce que tu es une personne merveilleuse, c'est pas parce que j'ai pitié de ton infirmité, c'est parce que j'ai fait une alliance avec Jonathan. Et tu vivais dans la misère matérielle, émotionnelle, spirituelle, je vais te redonner toutes les propriétés qui appartenaient à ton père, Saül. Souvent on utilise le mot père pour dire l'ancêtre, le grand-père en fait. Et de plus, tu es accepté. Tu vas manger à ma table. Encore une fois, aujourd'hui encore, c'est vrai que d'inviter quelqu'un à manger, c'est un signe d'acceptation, c'est un signe d'ouverture, un signe de communion. La semaine dernière, la pastorale a organisé un dîner où on a invité des pasteurs ou des responsables d'œuvres qui ne sont pas encore dans la pastorale pour leur montrer qu'on n'est pas fermé et qu'on est ouvert à collaborer avec eux, à les respecter dans leur œuvre pour le Seigneur. Et il n'y a rien de tel qu'un repas. Mais là, ce n'est pas seulement une fois de temps en temps, c'est tous les jours tu vas manger à ma table. Et c'est là que Mephibosheth dit: mais attends, comment tu peux faire une telle chose? Moi je ne suis rien du tout, je suis un chien mort. Un chien crevé, on sait qu'il y a des puces qui sautent dessus. Je ne veux pas être graphique, mais c'est pas beau un chien mort. Et non seulement tu te tournes vers toi, tu m'adresses la parole, mais maintenant tu vas m'inviter. Et puis le roi remet l'ancien serviteur du roi Saül à sa place, Siba, et lui donne la responsabilité de servir cet héritier de Saül que le dénommé de Siba s'était empressé d'oublier, de, de mettre de côté pour pouvoir profiter de certains avantages matériels, d'avoir un harem et des serviteurs lui-même. Il lui dit, tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, tu rentreras les récoltes, afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. Il l'appelle son fils. Lorsqu'il dit le fils de ton Seigneur, il dit, cet homme, c'est maintenant le fils de David. Il l'adopte dans sa famille. Et Mephibosheth, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. Tsiba s'incline, il sait qu'il faut être prudent avec David, qu'il est le roi, qu'il est souverain, et il lui dit, je ferai tout ce que tu ordonnes à ton serviteur. Et David, il est répété, verset 11, c'est intéressant, dans les derniers quatre versets, il est répété quatre fois que Mephibosheth allait manger à la table de David. Encore une fois, c'était le plus grand signe d'acceptation d'être à la table, comme l'un des fils du roi. La table du roi David, on a quelques détails dans la Bible, dans 2 Samuel et après dans les livres des rois. Notamment, il y a des descriptions de la table du roi Salomon. Et c'était un peu comme la table du roi Louis XIV. Il y avait de tout, il y avait de tout en abondance. Dans 1 roi 4, il y a une petite description qui dit que chaque jour, Salomon consommait en vivres 36 tonnes de fleurs de farine, 12 tonnes de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, 100 têtes de petits bétail, outre les cerfs, les gazelles, les daims, les volailles engraissées. Ça, c'était le roi Salomon. Mais déjà, sous le roi David, on mangeait bien à la table du roi. Et on peut imaginer qu'à la table du roi, il y avait les fils donc du roi David qui arrivaient. Il y avait Absalom qui était absolument parfait physiquement, bronzé, les cheveux blonds, longs, bien coupés. Il y avait ses filles aussi, belles filles, bien habillées, parfumées. Il y avait d'autres fils masculins qui étaient des guerriers. Il y avait tout ce beau monde qui était assis à la table du roi. Et dans le couloir, on entendait cloc, cloc, cloc. C'était Mephibosheth qui essayait d'arriver sur ses mains et ses pieds infirmes, ou peut-être qu'il était porté. Et puis il se retrouvait comme l'un des fils à la table du roi. Lui qui s'était caché pendant des années comme un chien mort, qui avait qu'une peur, c'était d'être trouvé par ce roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mica, verset 12, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. C'est bizarre ce rappel à la fin. On le sait, on l'a lu en 2 Samuel 4, 4. On l'a lu dans le récit. Il était perclus des deux pieds. Là, on voit qu'il est accepté, qu'il est adopté par le roi. Qu'il est là et ses pieds sont cachés sous la nappe. Mais il sait, peut-être que les autres ont oublié, mais lui sait qu'il est boiteux des deux pieds. Alors peut-être vous me dites, C'est bien beau ton histoire, Pierre, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Laissez-moi vous dire que nous avons tout à faire de cette histoire. Parce que pour certains, c'est déjà clair, pour d'autres, c'est peut-être moins clair. Mais ce Méphibosheth, c'est moi et c'est vous. Nous sommes, nous aussi, éloignés de Dieu parce que nous sommes tombés. Le péché est tombé, l'homme est tombé lorsqu'il a désobéi à Dieu, qu'il a cherché à faire sa volonté dans le jardin, un endroit historique, pas une légende ou une métaphore. Il s'est rebellé contre Dieu et c'est ce que la Bible appelle la chute. Vous et moi, nous sommes tombés. Comme lui, Méphibosheth appartenait à la lignée royale de Saül, nous sommes tombés, nous avons été faits infirmes par le péché. Et depuis, et c'est là que c'est merveilleux de vous comprendre la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu, elle cherche des gens qui sont éloignés de Dieu. Méphibosheth vivait loin de Dieu. Il avait décidé de ne jamais voir David. Pourquoi ? Parce qu'il était effrayé par David. Comme nous, et beaucoup d'entre nous, nous sommes effrayés par Dieu. Nous savons que nous avons les pieds en mauvais état, que nous sommes boiteux et nous avons peur que Dieu nous trouve. Et nous le tenons à distance, nous sommes effrayés par lui. Et nous entretenons une relation d'antagonisme, nous sommes des ennemis de Dieu. Parce que Satan nous a trompés sur le caractère de Dieu. Nous pensons que Dieu, il veut nous transformer en canapé Ikea. Quelle destinée. Nous pensons que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est nous attraper pour nous punir et nous faire souffrir. Parce que nous savons quelque part que nous ne méritons pas d'être aimés et élevés et accueillis à sa table, adoptés par lui. La grâce, lorsqu'elle nous touche, elle nous fait accepter notre condition. Nous réalisons que nous sommes des chiens morts. Désolé, vous ne vouliez pas savoir ce matin en venant ici que nous ne sommes que tous que des chiens morts, mais c'est la réalité. Verset 10 de Romains 5, « Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » À bien plus forte raison, étant réconciliés, maintenant serons-nous sauvés par sa vie. Il nous a aimés le premier. Nous étions morts et il nous a accueillis. La grâce, lorsque nous la comprenons, que nous sommes sauvés, nous nous abaissons nous-mêmes. Nous ne disons pas: comment est-ce que Dieu peut faire ceci aux hommes alors qu'il est injuste? Nous reconnaissons que ce que je vois dans les journaux, ce que je vois autour de moi, la corruption, j'ai tout pour en être capable au fond de moi, par ma nature de pécheur. Et c'est seulement lorsque je m'abaisse que Dieu va pouvoir m'élever. Et le salut que la grâce accomplit, il conduit à l'abondance. Nous sommes adoptés, nous devenons fils du Père et il nous invite à sa table tous les jours. C'est une merveilleuse illustration de la grâce de Dieu. Et On peut faire toute une étude détaillée des analogies entre l'histoire de Mephibosheth et mon histoire, votre histoire. C'est la beauté de la Bible. Certains disent, oh, la Bible, c'est un recueil de vieilles histoires, c'est des gens qui ont imaginé que Dieu existait. L'harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre les prophéties de l'Ancien Testament leur accomplissement dans le Nouveau Testament, c'est comme la signature, je l'ai déjà évoqué, la signature de Dieu. Il n'y a aucune autre religion au monde, et je vous mets au défi de me prouver le contraire, où il y ait des prophéties dont on peut être certain qu'elles ont été annoncées des centaines, voire des milliers d'années, et même plus, et qu'on a déjà vu s'accomplir à la lettre. L'harmonie entre l'histoire de Mephibosheth et son application à chacun de nous, pour moi, c'est quelque chose qu'un homme n'aurait pas pu inventer. L'idée que ce David, on dit souvent que David, c'est le fils de Christ, Christ c'est le fils de David, que David est un type, une illustration à l'avance de Christ, pardon. Dans notre cas ici, David, c'est Dieu le Père. David, c'est Dieu le Père et il va montrer sa grâce à des boiteux de l'existence, pas parce qu'ils sont dignes de cet amour, mais parce qu'il a une alliance, une nouvelle alliance avec son fils, avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, ici, c'est Jonathan. Et si Dieu nous accepte, c'est parce qu'il veut honorer et bénir Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez un peu peut-être que c'était clair pour vous, mais quand j'ai lu cette histoire pour la première fois, j'étais absolument bouleversé. Et c'est vrai qu'on pense que, je dis souvent, on pense tous qu'on n'est pas si mal que ça quelque part. On a reçu de l'éducation, on a peut-être un travail, on a une position dans la société, mais au fond de nous, on sait tous qu'on est boiteux. Il y a tous en nous quelque chose qui va pas, que ce soit dû à notre éducation, à notre arrière-plan, à notre héritage physique, à nos infirmités physiques peut-être, à nos capacités mentales qui sont limitées, ou qui même si elles sont plus avancées que d'autres sont... On est tous, est-ce que vous en êtes conscient? Ou est-ce que vous pensez que ça c'est bon pour les chrétiens qui ont besoin de béquilles? Nous avons tous besoin de béquilles, nous sommes tous malades du péché. Nous avons tous des problèmes dans nos relations. Et c'est dans les relations avec les autres que le péché se manifeste. Mais Dieu cherche à utiliser sa bienveillance, sa grâce, la grâce de Dieu. Et il ne vient pas nous chercher parce que nous sommes particuliers, mais parce qu'il veut... Il veut nous bénir au nom d'un autre, au nom de Jésus-Christ. Mephibosheth vivait en exil, loin du roi, mais le roi s'est rappelé de lui, et Jésus se rappelle de vous. Au verset 6, il est dit que David dit « Mephibosheth ». Dieu vous connaît personnellement et il vous parle. Il dit Kate, il dit Ellie, il dit Georgette, il dit Marie-Judith, Indira, il t'a eu. Il veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. C'est pas le tout d'aller à l'église et de se fondre dans la masse et de dire que bon, ben on a payé nos devoirs et que C'est une petite assurance, éternité, si jamais il y a un Dieu. Non, Dieu veut quelque chose de beaucoup plus riche, avec chacun et chacune de vous et de nous. Il veut nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais nous, nous sommes comme Méphibosheth lorsqu'il frappe à la porte, on panique, on se cache. Alors si j'ouvre la porte, il va m'envoyer au fin fond de la Nouvelle-Guinée, comme missionnaire, avec des tarentules, des serpents et des trucs gros comme ça. On s'imagine le pire. Alors que Dieu est là qui dit, je te cherche, je te veux. Nous sommes des boiteux qui n'avons rien compris, nous avons été aveuglés, mais Jésus frappe à la porte de nos cœurs et nous appelle. Dieu frappe à la porte de nos cœurs et parce qu'il veut honorer Jésus. Et puis, il y a ce rappel à la fin. Il était boiteux des deux pieds. Nous sommes boiteux et nous restons boiteux. C'est ce que la Bible, dans la première épître de Jean, nous dit, on va lire 1 Jean 5 à 10, page 269 dans la Bible à la colombe, dans le Nouveau Testament. Voici le message que nous avons entendu de lui, c'est Jean qui avait été témoin de la vie de Jésus-Christ et qui racontait, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes infirmes, nous avons les pieds boiteux, mais Jésus est prêt à les recouvrir de la nappe blanche. Cette nappe blanche, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Mais ne croyons pas parce qu'il nous pardonne et nous traite comme si nous n'avions jamais péché, que ça veut dire que maintenant nous pouvons nous enorgueillir et dire que nous ne péchons plus jamais. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, verset 8, nous nous séduisons, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que Dieu nous transforme, sa parole nous sanctifie. Nous faisons de moins en moins de péchés et c'est un test que nous grandissons dans la foi. Mais nous allons rester toujours capables de pécher et là il dit, si nous disons qu'un jour nous avons arrêté de pécher, alors nous le faisons menteur. Transformant Dieu en un menteur en disant quelque part qu'il n'avait pas besoin de sacrifier son Fils, il aurait pu nous perfectionner jusqu'à ce que nous arrêtions de pécher. Ça ne doit surtout pas être jamais une justification pour votre péché, pour mon péché, de se dire que si je dis que je ne pêche plus, je le fais menteur, mais c'est pour nous rappeler la grâce de Dieu. C'est pour nous rappeler que toujours et toujours, c'est pas parce que je suis devenu quelqu'un de super que Dieu m'aime. C'est parce qu'il m'aime de sa grâce, de la bienveillance de Dieu. Il a décidé de m'aimer quoi que je fasse. Cet amour va nous mener à la repentance. Romains 2, 5, je crois. C'est l'amour de Dieu qui nous conduit à changer. lorsqu'on réalise cet amour qu'il nous donne, mais n'oublions jamais, n'ayons jamais l'orgueil de penser que maintenant nous n'avons plus besoin de la grâce de Dieu, qu'il peut nous aimer parce que nous sommes devenus aimables. Il nous rappelle, comme le récit le fait, que nous restons boiteux des deux pieds. Autrement dit, nous restons des invalides. Et ça, c'est... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments où on se dit « Oh, je ne peux pas croire que j'ai encore fait ceci, ou que j'ai encore explosé, que j'ai encore fait du mal à quelqu'un, que j'ai blessé par des paroles. » Mais le Seigneur veut me garder là pour que je sois repentant, que j'aille demander pardon et que je sois toujours émerveillé par sa grâce, que je ne la prenne jamais comme quelque chose qui m'est dû. En fait, c'est vrai, j'ai fait des choses pour Dieu, je parle de lui autour de moi. Bien sûr qu'il doit m'apprécier, il doit m'aimer. Il le fait, mais parce que c'est sa grâce, c'est la grâce de Dieu. Que dire encore? J'espère simplement pas avoir mis trop les doigts dans le plat. Dieu est pour vous. Dieu est pour nous. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, tout avec lui, par grâce? Dieu vous aime. Cessez de vous cacher de lui. Cessez d'écouter les mensonges que l'ennemi voudrait répandre, qu'il est un Dieu coléreux qui vous cherche pour vous faire du mal. Recevez, laissez-vous adopter par lui. Recevez son amour. Amen. Dieu a tout fait pour vous trouver. C'est lui qui vous a cherché, le premier. Ce n'est pas vous qui l'avez cherché. La grâce, c'est cette faveur que nous ne méritons pas et qu'il vient nous proposer. David voulait que Mephibosheth soit à sa table en permanence. Dieu nous invite à sa table en communion avec Jésus en permanence. Être à sa table, ça veut dire être en harmonie avec lui, ça veut dire passer du temps avec lui, ça veut dire passer du temps dans sa parole, dans sa prière, l'écouter, parler de lui. Ce n'est pas un Dieu qu'on rencontre juste le dimanche matin, c'est un Dieu qui vous suit toute la journée, tous les jours de votre vie. Nous avons un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Et comme les soldats de David frappaient sur la porte de Mephibosheth, Jésus nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est la même histoire, tout le long de la Bible. Ce n'est pas une nouvelle histoire, ce Mephibosheth. C'est une merveilleuse illustration. C'est un de mes passages favoris. J'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi maintenant. Parce que je me reconnais dans Mephibosheth. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bienveillance. Merci comment tu veux nous faire comprendre qui tu es par ta parole, Seigneur. C'est pas en suivant des rituels, des rites, que nous pouvons te connaître, Seigneur. C'est en, en communion avec toi, en étant sur la même longueur d'onde, en lisant ta parole, en priant, en recevant ton Esprit Saint, en communiquant avec toi, en parlant de toi avec d'autres, en lisant des livres qui parlent de toi. Seigneur, tu es la vérité, Jésus. Si nous demeurons dans la vérité, nous allons vraiment être libres. Nous n'aurons plus à nous cacher. Nous n'aurons plus à chercher des choses qui n'en valent pas la peine. Nous n'allons plus être dans un endroit perdu où rien ne pousse. Un endroit loin du palais. Nous allons pouvoir venir manger à ta table. Et Seigneur, nous nous rappelons que c'est seulement parce que tu as décidé de nous aimer, parce que tu as fait une alliance au nom d'un autre. Tu nous avais destinés à être dans la famille et nous en étions partis, nous avions fui devant toi et maintenant tu frappes à la porte de nos cœurs. Peut-être que parmi nous, il y en a qui, pendant ce temps de prière, comprennent un peu mieux que Dieu frappe à la porte de leur cœur. Si c'est votre cas, vous pouvez lui ouvrir la porte sans peur, sans avoir peur qu'il ne vous détruise, qu'il vous fasse souffrir. Bien au contraire, il veut vous adopter dans sa famille, il veut vous bénir, il veut vous utiliser, il veut votre plus profond bonheur pour toujours. Quel qu'ait été votre passé, vos circonstances, le comment du pourquoi, vous êtes boiteux, qu'est-ce qui s'est passé, peu importe. Aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur et il dit « Ouvre-moi ». Et si tu ouvres, alors nous vivrons ensemble pour toujours. Tu pourras faire la fête à ma table pour le restant de l'éternité. Si certains d'entre vous ont entendu cet appel de Dieu ce matin, vous pouvez lui ouvrir la porte. Vous pouvez prier en silence à votre place. Oui Seigneur, je reconnais que je suis un Méphibosheth. J'ai les pieds boiteux. Je vis dans le péché. Je t'ai rejeté. J'ai eu peur de toi et j'ai jamais répondu. J'ai eu peur de ce qu'on m'a dit. Que si je devenais chrétien, alors je serais bizarre, je serais un fanatique. On se moquerait de moi. Et puis j'entends tous ces gens si savants qui disent qu'en fait, non, tu n'existes pas. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Je reconnais que tu as payé, en mourant sur la croix, tu as payé pour mes péchés. Et c'est une nouvelle alliance que tu as mise en place. Simplement en mettant ma foi en toi et en me reconnaissant dans cette histoire, tu m'adoptes. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint pour faire ta volonté. Seigneur, je veux me détourner de mes péchés, je veux me repentir et progresser avec toi, avancer. Seigneur, je ne compte que sur toi pour ma vie éternelle, pas sur mes bonnes actions ou d'autres personnes. Merci de venir transformer ma vie par ton Esprit Saint. Donne-moi d'avoir soif de toi, de ta parole, de la communion avec les frères et sœurs. Et Seigneur, je ne peux que te dire merci. Amen.